Yo, TNT, hiphopfranco.com. Si j'étais maître du monde, je déclarais que la terre est pas ronde, pis des hérétiques, je les jetterais au bout du monde. Si j'étais président, même incontinent, je serais pas hésitant à envahir nos continents. Je pesais des milliards comme Bill Gates, je me permettrais de parler fort, pis je me ferais des pleins mains. Si j'étais à la tête de mon pays, au moins, je passerais plus pour un pied. Je pense bien, mon bras droit serait Dixie. Enfin, j'aurais peut-être la moitié. Si je dirigeais le monde, je serais heureux comme une blonde. Faut croire qu'il se fait une nouvelle amie dans mes miroir, pauvre con. Aussi je subventionnerais hiphopfranco.com. Comme ça au moins j'aurais des votes pour la forme, celle que j'ai pas. Alors pour prendre le contrôle, faudrait que je fasse un coup d'état, pas à pas. Je pourrais faire comme Machiavel, des machinations, tirer certaines ficelles. Avec le mag de la nation sans visage officiel, avec mes manipulations, j'ajouterais mon grain de sel. Grain de sable dans l'engrenage, ce serait mieux que celui sur la plage. Je serais aussi identique au prochain qu'un porc-épic l'est au chien. Ouf, ouf. Un, si. Un. Si je dirigeais le monde me dirigerait plus. Mais comme les cinéma n'aiment pas les riches, je pense qu'on serait tous déçus. Je serais pas mieux que ceux qui font chier maintenant. Ils ont l'air plus vieux pis ils ont pas les mêmes vêtements. Ils sont pareils comme nous, ils veulent de l'oseille, c'est tout. Pour eux et leurs proches, faut qu'ils remplissent leurs poches. Si j'avais le choix entre le fait et la poule, ben je serais comme eux pis je prendrais les deux. C'est facile de critiquer les autres quand on a rien. C'est facile de se prendre pour un autre quand on a plein. J'essaye pas de jouer plus fin, mais je me la joue pas sans reproche, c'est vain. C'est vain, sans reproche, c'est vain. C'est vain. Hiphopfranco.com.